plus jamais je ne pourrai me passer de toi. Car tu es ma source de joie, mais toi m'aimes-tu comme ça? Suis-je fait pour toi? Est-ce que de moi tu te passeras? Mon amour pour toi a pris une grande place. Plus jamais je ne pourrai me passer de toi. Car tu es ma source de joie, mais toi m'aimais-tu comme ça? Suis-je fait pour toi? Est-ce que de moi tu te passeras? Cet amour très fort, plus cher que l'or, un amour brillant, plus beau que le diamant. Un amour échangé, puisse-t-il durer une éternité? Mais pour une fois, sache que je t'aime à en mourir.